Le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi faut-il s'étudier? Donc, on va commencer tout de suite avec une première question. Quand on parle de s'étudier, ça implique quoi exactement? Pourquoi une personne s'étudie? Qu'est-ce que cette personne-là recherche lorsqu'elle décide de s'étudier? Quand c'est fait dans un objectif de conscience, une personne se permet d'aller plus loin dans son identité. Ça lui permet de aussi saisir mieux sa personnalité, son ego. Mais quand c'est fait simplement d'une façon psychologique, s'étudier pour mieux performer ou être encore plus présent à comment on veut devenir dans le futur, c'est toujours une forme d'ego qui est derrière la présence de s'étudier. Donc, une personne peut penser que de s'étudier ou d'étudier la vie spirituellement, ça lui permettrait d'être mieux dans sa peau. Ça pourrait être temporaire, mais ce ne serait pas naturel pour elle de vivre sa réalité. Parce qu'en s'étudiant simplement au niveau de la spiritualité, au niveau de la psychologie, elle manquerait tout l'aspect psychique de son être et de cette façon-là, à un moment donné, elle tournera en rond. Oui, donc quand une personne se remet en question constamment, ou la personne peut sentir que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, mais ça aboutit jamais à des réponses, là on sait que c'est plus l'ego qui remet les choses en question, donc c'est plus psychologique et non psychique. Oui. Donc, si une personne, elle se remet tout le temps en question, c'est pas parce qu'elle s'étudie, c'est parce qu'elle est insécure, comme vous dites. Donc, dans cette incapacité-là de vraiment s'étudier, elle va trouver qu'elle évolue pas assez vite, elle va se culpabiliser, elle va aussi douter énormément de ce qu'elle étudie. Alors qu'une personne, si elle s'intéresse à son ego psychiquement, elle va être capable de reconnaître très rapidement là où les pensées astrales entrent en elle et que ces pensées astrales-là, finalement, la déjouent pour se réfléchir. Ok. Est-ce qu'on peut faire une petite nuance pour mieux faire la différence entre une personne qui s'étudie vraiment et une personne qui s'étudie dans le but d'évoluer parce qu'on sait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Une personne qui s'étudie, c'est comme si elle ne prenait pas en compte le fait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, alors qu'une personne qui se fout totalement de l'étude. Ça peut devenir ambigu pour les personnes, je Oui. trouve. Je ne sais pas si vous comprenez le point. Quand une personne comprend qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, elle est plus sujette effectivement à s'étudier psychiquement parce que elle ne s'implique pas égoïquement dans les événements qu'elle vit. Elle va dire, OK, ces événements-là me ramènent à quoi au niveau de mon identité? Ça veut dire que, supposons qu'elle perd son emploi parce qu'elle est passée présente au travail. Donc, la personne, si elle s'étudie psychiquement, elle va être capable de constater que il y a des choses qu'elle doit saisir au niveau de son identité pour mieux être présente la prochaine fois dans un nouveau travail. Sinon, elle va reproduire le même cycle. Une personne qui va s'étudier psychologiquement, ah, pourquoi j'ai perdu mon travail, pourrait peut-être dire simplement, ah, de toute façon, j'étais pas bien ce travail-là, puis je vais m'en trouver un meilleur. Ouais, donc ça reste au niveau de la forme. Ça reste au niveau de la forme, mais pas capable de voir que les plans ont créé cette réalité-là pour l'amener plus loin dans son étude. Alors que la personne qui s'étudierait psychiquement, cette personne-là se dirait, bon, qu'est-ce que les plans veulent me faire comprendre dans cette expérience-là? Est-ce que ça serait un peu une forme de, une bonne façon d'apporter la nuance? Oui, ça serait une bonne façon d'apporter la nuance. Disons que toute personne qui s'étudie psychiquement a besoin de la capacité de reconnaître que sa vie ne dépend pas toujours d'elle. Alors que quelqu'un qui s'étudie psychologiquement va toujours penser que c'est elle qui prend les décisions, puis que toute sa vie, dans le fond, c'est elle qui la crée. Alors qu'on crée très peu sa vie. Donc, ça veut dire que dans une gestion des événements, en lien avec le fait, comme vous disiez tantôt, qu'il n'y a pas d'hasard, une personne s'autorise davantage à se dépersonnaliser. Puis en se dépersonnalisant, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas de valeur à l'événement, Elle regarde plutôt qu'est-ce que l'événement vient faire dans sa vie pour qu'elle puisse apprendre d'elle-même. Mais il y a des gens spirituels qui vont dire la même chose aussi. Hein? Ils vont dire, « Oh, qu'est-ce que l'univers m'envoie? Qu'est-ce que veut dire cet événement-là dans ma vie? » Alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe pour une personne consciente qui étudie sa vie. Une personne consciente, c'est déjà au départ que l'univers n'est pas là pour améliorer sa vie. Mm-hmm. Les plans sont là pour tester l'ego et de savoir finalement s'il est capable d'intégrer, okay, les événements qu'on lui envoie d'une façon totalement intelligente pour lui se donner de l'identité et non dire que ah, l'univers s'occupe de ma vie. OK. Okay. Puis, qu'est-ce qui amène l'individu à prendre la décision d'étudier sa vie, sachant qu'il n'y a pas de hasard dans la vie? Qu'est-ce qui va faire « OK, ben là, je me remets en question. » Il y a une brisure, ben oui, c'est cela. Il y a une brisure à un moment donné psychique au niveau de l'ego qui n'est plus capable de supporter sa souffrance. OK? Donc, quand l'ego n'est plus capable de supporter sa souffrance psychologiquement, c'est-à-dire qu'un ego peut avoir beaucoup de ressources pour supporter sa souffrance psychologiquement. Ça peut dire qu'il peut avoir tout le temps la capacité de se réinventer au niveau de la forme. C'est-à-dire, il se trouve un autre emploi. Ah, il dit, ah, ben, je vais me trouver un autre chum parce que je suis belle. Puis, de toute façon, OK? Donc, l'ego, à un moment donné, il va souffrir suffisamment pour ne plus être capable de se réinventer comme il le faisait avant psychologiquement. Là, il va être obligé de passer à une réinvention psychique de son être dans l'optique suivante, c'est qu'il doit saisir que l'invisible n'est pas là pour l'aider. Mm-hmm. Une personne qui n'est pas capable de comprendre que l'invisible n'est pas là pour l'aider va rester spirituellement dans son étude apte à croire ce que l'invisible lui dit. OK. Ben, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut explorer un peu le plan des forces invisibles, des plans de la lumière? C'est quoi leur plan à travailler sur nous? Fait que c'est de nous faire évoluer, mais en même temps, on a tendance à associer le fait d'évoluer à améliorer sa vie aussi. Ça peut créer de la confusion. Donc, ça serait quoi exactement? Est-ce qu'on peut mieux le définir, le plan de... Oui. Une personne qui s'étudie psychiquement elle ne s'étudie pas pour évoluer. Elle s'étudie pour mettre de l'ordre dans sa vie. C'est l'ordre qui détermine la capacité d'une personne, après ça, à permettre à la lumière de descendre plus, davantage de feu dans sa conscience ou davantage de direction. Donc, l'étude qu'elle va faire, si ça permet de l'ordre, ça crée de l'espace dans son mental pour ensuite, dans une troisième étape, s'ouvrir davantage à la réalité que les plans invisibles interfèrent toujours sur sa vie. Alors qu'une personne qui s'étudie en oubliant que l'invisible agit sur sa vie, va vraiment, vraiment oublier que des fois dans la vie, il arrive des événements, ce n'est pas toi qui es responsable de l'événement, c'est que tu dois le vivre et tu dois simplement contenir l'énergie de perdre ta job sans tomber à la panique, parce que c'est les plans qui ont décidé que tu vas perdre ta job, mais si tu contiens ton énergie, ton corps émotif va se neutraliser au lieu de simplement dire « Ah, faut que je me trouve un autre job », le fait que là, tu vas vivre le vide, puis en vivant du vide, ils vont dire simplement « Ben, étudie comment t'es », puis il y a certainement dans ce moment-là des mémoires qui vont remonter en lien avec ton passé, puis c'est là que tu vas être amené à mettre de l'ordre dans certaines réalités. C'est là que les valeurs que tu donnais à certaines réalités dans ta vie vont être obligées d'être revisitées. Et c'est comme ça qu'une personne réellement se réinvente. Parce que quand on s'étudie psychologiquement, les valeurs qu'on étudie restent en gros les mêmes. C'est que la vie, par exemple, pour quelqu'un qui est le moindrement pas dans la conscience, là, ça pourrait être simplement « Ah, oh, j'ai une bonne job, ça fait que je fais une belle vie ». Mm-hmm. Alors qu'un être conscient, il pourrait dire « j'ai une job correct qui me permet d'évoluer ou tout simplement, pas d'évoluer, mais tout simplement de savoir que cette job-là ou ce travail-là, même si je l'aime pas, même s'il y a un boss qui me fait chier, ça doit m'amener à être neutre puis à mettre de l'ordre dans ma vie. Parce que tant que je suis en un endroit, tant qu'il y a un environnement décidé par les plans de la lumière en lien avec son évolution, c'est tout simplement sa capacité de gérer l'événementiel et tout ce qui est autour et de contenir aussi le fait que tu n'aimes pas ta job, mais si tu la quittes, tu vas te retrouver davantage dans une situation plus difficile. Donc, tu vas contenir le fait que à un moment donné, tu vas savoir que tu vas devoir quitter, puis ça va devenir une vibration. Donc, si tu te rapproches davantage d'une vibration, ça veut dire que ton étude t'a permis de contenir le vide et après ça, d'être capable de te donner de l'identité pour dire, ah ben, le boss, là, je suis plus capable, il me fait chier, je m'en vais. OK. Puis, si on prend l'exemple de la personne qui perd sa job, là, tu sais, lui peut penser qu'il est en l'étude en se demandant un peu, bon, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est de la faute à l'autre? Est-ce qu'on pourrait dire que ça, c'est une forme de piège un peu à l'étude? On a tendance à aller dans à revoir toute la situation, revoir la forme, étudier la forme. Quand quelqu'un est vraiment dans l'étude, Chloé, il se passe ceci, c'est que l'autre n'est responsable de rien. Mm-hmm. L'autre n'en a pas de problème. C'est toujours nous autres qui doivent se regarder. L'autre, c'est simplement un élément dans la pièce de théâtre. Okay. On ne pourra jamais se déresponsabiliser. Quand on s'étudie, on va être obligé de dire, bon, ben, j'ai perdu mon job, OK, telle personne dans ma pièce de théâtre a fait que j'ai peut-être mal géré telle situation, puis étant donné qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas trop au travail, OK, parce que je suis différent ou que j'ai une façon d'agir, ça veut peut-être dire aussi que je dois m'en aller. Parce que même si j'ai de la haine pour eux autres, ça ne changera absolument rien dans ma pièce de théâtre. Parce que la haine qu'on doit avoir un jour, on doit la tourner contre son astralité à soi. Mm-hmm. Si on ne tourne jamais l'astralité, sa haine contre l'astralité qu'on a en soi, on va blâmer les autres et c'est un problème spirituel ou d'orgueil. OK, OK. Puis il y a certaines situations où les gens, ils sentent pas qu'ils peuvent... laisser leur job aussi facilement, tu sais, ils peuvent avoir des craintes en arrière de ça, comme, tu sais, s'ils ont une famille à nourrir, etc., etc. Donc, pour eux, tu sais, dire, je lâche ma job, tu sais, ça peut être une décision assez, assez risquée, tu sais. Une personne spirituelle peut dire, ah, ben, pour mon évolution, je lâche ma job parce que c'est mieux comme ça, ou etc., etc. Ouais, je vis de ce que j'aime faire. So, les personnes spirituelles vont avoir tendance à faire ça beaucoup, de dire « Ah, ben moi, là, dans la vie, je veux, même si je gagne moins d'argent, je veux faire ce que j'aime. » Mais peut-être ce qu'une personne aime est peut-être en mesure de le faire à 20% ce qu'elle aime, puis ça peut la rééquilibrer. Puis 80% de ce qu'elle va faire, c'est pour mettre du pain sur sa table puis d'avoir un job qui amène de l'argent. Mm-hmm. Mais lorsqu'on fait une étude réelle, on va s'apercevoir que si les plans de la lumière décident, par exemple, qu'une personne n'aura pas de travail pendant X nombre de mois ou de semaines, c'est pour la simple et unique raison qu'elle doit davantage épurer des mémoires en lien avec sa réalité. Ça veut dire que ça fait 3 semaines qu'elle a perdu son emploi, puis là, elle pense qu'elle doit se trouver un job parce que là, son compte en banque diminue. Alors que dans le fond, le processus d'avoir un job, les plans de la lumière savent que ça va être seulement dans 4 mois, puis elle, dans 1 mois, elle est déjà plus capable de supporter sa forme. Ouais. Mais dans le cas des personnes qui ont déjà un job, qui ont une famille à nourrir, bien souvent, ces gens-là ne sont pas mis en initiation solaire ou ne sont pas dans la conscience. Ils sont simplement dans l'expérience psychologique de perdre le job. Il faut faire la nuance aussi que l'expérience psychologique de perdre sa job, ça fait partie aussi pour une âme d'évoluer. Mais quand tu es dans la conscience, une personne qui perd sa job va tout de suite comprendre. Okay? Donc, ça connaît que les plans de la lumière vont décider, oh, ben là, de ce mois-ci, tu vas perdre ton emploi, puis que tu vas travailler simplement dans 1 an ou dans 8 mois. Donc, la personne, elle ne sait pas qu'elle va travailler dans 8 mois. Mais du moment qu'elle est capable de voir que les plans de la lumière ont décidé que elle perdait son emploi, ou encore qu'elle travaillait simplement une ou 2 jours par semaine, ils vont lui dire, en lien avec son identité, que si tu n'intègres pas ce que tu as intégré, tu ne seras pas capable plus tard, OK, d'être bien. Parce que la personne qui est en processus d'évolution de conscience est toujours soumise à un agenda de compression. Ça veut dire qu'on lui enlève X nombre de réalités pour qu'elle ne puisse pas s'évader dans une psychologie qui n'est pas réel. Donc, s'il se disait plus tard, ah, l'avenir va faire en sorte que je vais me trouver une job, ah, j'ai des connexions, ça va être facile de me trouver un emploi. Mm-hmm. C'est tous des mécanismes psychologiques qui empêchent l'ego de s'étudier réellement. Alors que si, supposons, tu perds ton emploi, puis tu le demandes en haut, quand est-ce que je vais travailler? Ou une personne qui est en couple, puis elle demande, ah, quand est-ce que je vais avoir un autre gars ou une autre fille dans ma vie? Là, ben, les plans vont dire, ah, ça va prendre un certain temps. Puis, pour les plans, quand ils disent ça prend un certain temps, c'est certain que c'est plus que 6 mois. OK. OK. Alors qu'ils vont dire ça s'en vient. Si ça s'en vient, ça peut être à l'intérieur de 6 mois. Oui. Fait qu'il ne donnera jamais de date précise parce que sinon, la personne dira ah, ben, si je trouve une job dans 6 mois, ben, je vais prendre 6 mois de vacances, puis ça finit là. Puis la non. personne n'aura pas à supporter le temps, donc à faire un certain travail sur elle-même, une certaine étude. C'est ça. Parce que quand on croit ce que les plans de la lumière nous disent, c'est jamais bon. Parce que les autres sont là pour éclairer et ils ne sont pas là pour nous amener de l'information qui est toujours, toujours réelle dans le temps qu'on veut en tant qu'ego. Par contre, quand ils disent « Ah, vous allez être en couple un jour », ben la personne peut capter la vibration de cette réalité-là et dire « Ok, je vais être en couple un jour ». Donc, est obligé de s'étudier autrement à ce moment-là. Est obligé d'aller voir ailleurs pourquoi est-ce que un jour, je vais être en couple, puis pourquoi je ne le suis pas maintenant? Donc, si elle est capable de s'étudier puis de voir pourquoi elle n'est pas en couple, OK, ou qu'elle n'a pas de travail, ça va lui permettre, dans une réalité plus profonde, de savoir comment agit son ego en elle. Est-ce qu'il y a de l'impatience? Il y a beaucoup de gens qui sont impatients face à la vie. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de contenir le temps parce qu'ils ont tout le temps eu ce qu'ils voulaient en tant qu'ego. Alors que là, ils rentrent sous des lois totalement autres, qui est celui de la déconstruction de l'ego en lien avec sa programmation d'âme, qui veut dire que toute la personnalité que l'ego avait pour se sortir de la marde ou de se donner des avantages, ils ne pourront plus compter sur elle parce que au niveau de leur conscience, ils vont avoir été brisés aussi. Les forces de la lumière vont avoir créé un choc de conscience qui va leur... simplement leur dire ceci en gros, c'est que désormais, vous allez devoir composer et regarder la vie différemment. Puis une personne qui se fait dire ça dans sa tête, que désormais, tu vas composer avec la vie différemment, elle n'a bien souvent pas d'idée de comment ou qu'est-ce que le différemment implique. Et c'est là que la souffrance embarque. Ouais, ben est-ce que c'est un peu comme si la personne qui se fait dire ah, « ben, tu vas être en couple un jour ». Un jour, on ne sait pas quand, ça peut être dans 30, 40 ans, puis peut-être que genre je vais être en couple à 80 ans, puis je vais être en couple juste une année, puis après ça, je vais mourir. Donc, on ne sait aucunement la forme. Donc, cette information-là, on ne peut pas vraiment se fier sur ça. Mais c'est sûr que si tu es en conscience, là, quand ils parlent de conscience, des êtres de lumière, puis ils disent « Ah, tu vas être en couple un jour », pour eux autres, il y a toujours une donnée réelle qui va permettre à ta conscience d'avoir plus d'identité. Donc, à 80 ans, tu n'as plus les forces vitales d'avoir un couple. Donc, ça va... Normalement, une personne qui dit qu'il a peut-être 30 ans, elle dit « Ah, quand est-ce que je vais être en couple? » Les plans pourraient dire « Ah, tu n'es pas encore prête, mais un jour, quand tu vas avoir la vibration de reconnaître que tu es prête, tu vas savoir que le temps se rapproche. Mm-hmm. » Puis, c'est ta personne qui... dans son processus d'étude, elle va se dire « Ah, là, je suis prête pour être en couple. Là. Mettons, elle est rendue à 34 ans, je suis prête. » Les plans de la lumière et les autres, ils vont dire « Ah, ouais, elle est prête, mais ça va être dans 2 ans. » Mais elle va sentir que c'est plus proche que... OK? Donc, elle va avoir fait énormément de travail sur elle, puis elle va sentir que c'est plus proche demain qu'hier. Mm. Mais avant ça, si, mettons, elle dit « Ah, les plans, il dit « Ah, un jour, tu vas être en couple, puis là, à 32 ans, là, elle est déjà tannée, là. Ça fait 2 ans que je suis seul, là. » Puis elle dit au plan, « Vous m'avez dit que je serai en couple un jour, là, puis là, je suis fatigué, là. Mm-hmm. Ça fait 2 ans que j'attends. » Donc, il n'y a aucune contenance dans ça. L'ego n'est pas capable de contenir. Un ego, c'est l'ego qui parle. Alors que si elle dit « Ouais, ça fait 2 ans, là, il en reste encore pas mal », les plans vont dire « Ah, t'as peut-être fait la moitié du chemin, là. » Fait que là, elle est rendue à 34 ans, là, puis elle se rappelle qu'on lui a dit qu'elle a fait la moitié du chemin. Là. Mais là, ça y croit, ça. Elle va chercher partout pour avoir un couple, puis l'avoir regardé, tu sais, sur le tapis, dans le garde-robe. « Es-tu là, mon homme? » Mm-hmm. Puis dans le fin fond, vu qu'il n'y a pas d'hasard, le gars va arriver où la fille va arriver jusque quand c'est supposé, c'est-à-dire quand elle n'y pensera plus à cette réalité-là. Oui. Elle ne donnera plus de valeur. Mm-hmm. Mais tu sais, ça aussi, ça peut être un peu touché parce qu'une personne peut se dire OK, ben je vais essayer, je vais faire des efforts pour plus y penser, mais en mettant de l'effort pour plus y penser, déjà là, c'est contradictoire. C'est ça, parce que dans l'exercice de retirer quelque chose, les plans de la lumière, eux autres, dans la compression, ils vérifient toujours si les réponses que tu te donnes sont réelles ou pas. Fait qu'une personne peut se compter plein de mensonges. Donc, plus une personne se rend compte de mensonges, ça veut dire qu'il y a, dans son étude, il manque un ajustement. Par exemple, supposons que tu veux faire des conférences sur la conscience, puis là que tu es en train de parler de spiritualité, puis tu le vois pas. OK? Les plans de la lumière, ils peuvent te laisser longtemps aller dans ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu fasses une étude sérieuse de ce que tu parles, puis tu dises simplement, est-ce que c'est vraiment de ça que je veux parler? OK? Mm-hmm. Par exemple, moi, je pourrais dire, ah, ben, ce serait intéressant de parler des extraterrestres. OK, par exemple? Mm-hmm. Mais, sachant que c'est totalement inutile de parler des extraterrestres parce que c'est une condition qui est immatérielle à notre vie, moi, je sais que je perdrais mon temps mm-hmm. de parler de ça. Donc, j'en parle pas. Si une personne me poserait des questions sur des extraterrestres, c'est, est-ce que ça existe? Dans mon étude personnelle, moi, à moi, je sais très bien que parler des extraterrestres, ça ne donne rien. Mm-hmm. OK? Mais vibratoirement, si une personne a besoin, dans son étude, par rapport à sa psyché, de savoir si les extraterrestres sont réels, je dirais tout simplement, qu'est-ce que toi, tu vibres par rapport à ça? Puis là, elle me donnerait des réponses, supposons qu'elle dirait telle réalité, je dis, ouais, ça c'est réel, ça ne l'est pas, ça. Je ne pourrais pas aller plus loin que ça dans une étude. Mm-hmm. Donc, je m'éloigne énormément de la curiosité en faisant ça, puis je ne donne pas de nourriture non plus à l'astral, parce que c'est l'astral qui met en vibration, OK, certaines réalités dans un ego pour l'empêcher de s'étudier correctement. Mm-hmm. Fait que l'ego, s'il n'est pas capable de voir que la plus grande réalité de l'ego dans l'étude, c'est celle-ci, c'est la capacité de se réinventer sans croire à la réinvention de ce qu'il sait, mais de savoir que ce qu'il sait équilibre sa vie. S'il ne sait pas ce qu'il sait, OK, équilibre sa vie, par exemple, moi, de savoir sur des choses sur les extraterrestres, je sais que ça n'équilibre pas ma vie. Ouais. Donc, je ne me réinvente pas si je m'étudie. OK? Ouais. Mais si, supposons, j'étudie le fait que je travaille dans la conscience supramentale, je donne des séminaires ou je donne des conférences, puis il n'y a pas encore suffisamment de personnes qui viennent dans mes conférences ou dans mes pour avoir suffisamment un revenu. Mm-hmm. Est-ce que dans mon étude, je vais dire « Ah, ben je suis pas bon » ou est-ce que je vais tout simplement dire dans mon étude ceci? Est-ce qu'un jour, je serai capable de vivre de ça? Donc, ma réponse, c'est oui. Là, tu peux demander au plan de la lumière, OK, est-ce que dans ta réalité, quand tu vas être en couple, tu vas être bien? Les autres, ils vont dire, oui, vous allez être bien. Mais le bien que vous allez avoir, là, OK, c'est peut-être pas le bien que vous pensez. Et avec le temps, vous allez être obligé de corriger certaines réalités, même si vous êtes en couple. Parce que les autres, ils vont dire, oui, vous allez être bien. Mais peut-être que vous allez avoir des ajustements à faire avant de vraiment être bien. Mais là, les plans de la lumière ne vous le diront pas, ça. Donc, il y a toujours, plus tu avances dans la conscience, plus l'étude que tu fais par rapport à toi-même va te servir à t'éclairer pour que les réponses que tu te donnes pour comprendre ta vie soient davantage désengagées de ton ego et soient davantage orientées vers le besoin d'être présent aux autres qui sont autour de toi, puis d'être présent à ce que les plans font. Plus tu es présent à ce que les plans font, plus tu es dans l'étude. Plus tu es présent aux autres, plus tu es dans l'étude de ce qui se passe autour de toi. Donc, il n'y a plus vraiment de surprise. C'est une vie beaucoup plus relaxe parce que, dans le fond, tu sais que les gens qui sont autour de toi, OK, ils doivent avoir tel taux vibratoire pour te permettre d'être bien. Du moment que tu n'es pas bien, ben, tu sais dans ton étude à toi que, OK, bon, ben, peut-être que mon temps avec eux autres est terminé. Je vais devoir que je trouve une autre façon de relaxer. OK, OK. Est-ce que la forme de l'étude change avec le temps? Comme dans le sens qu'une personne qui commence à s'étudier un jour, puis un an plus tard va s'étudier encore, mais d'une manière différente un peu. Est-ce que ça évolue un peu cette façon de faire-là? Oui, ça évolue cette façon de faire-là parce qu'une personne n'a pas la même conscience, elle n'a pas le même taux vibratoire pour s'étudier. OK. J'aurais peut-être un exemple, tu peux me le confirmer si ça... Par exemple, tu disais tantôt, la personne qui peut poser des questions sur les extraterrestres. Bien, au fond, peut-être que cette personne-là pose la question, non pas par curiosité, mais parce qu'elle a besoin d'être réalité, rassurée par rapport à cette réalité-là. Donc, il pose des questions par rapport aux extraterrestres pour être rassuré. Mais avec le temps, elle finit par se... Au lieu de poser des questions sur les extraterrestres, elle va se demander, bon, mais pourquoi j'ai besoin d'être rassuré? Donc, c'est plus sur les extraterrestres, mais sur son sentiment intérieur de peur ou de... Ben, c'est ça. Ça veut dire que finalement, elle a compris que son centre de gravité, d'étudier des choses qui sont plus réelles, OK? Dans son étude, il y a moins d'astralité. C'est ce qui fait qu'elle protège davantage son centre de gravité, puis elle ne s'éloigne pas de qui elle est. Comme tu dis, elle va dire, OK, mais ben pourquoi j'ai besoin de savoir des choses sur les extraterrestres? Là, elle va peut-être connecter avec des mémoires en lien de d'autres vies passées où elle a vécu un phénomène extraterrestre. Ou encore, elle a peut-être, dans sa conscience, la personne, il y en a qui ont beaucoup de fascination pour l'occulte. Mm-hmm. Puis la fascination pour l'occulte, ça crée ceci. Ça sort l'ego de son centre de gravité. Ça veut dire que l'ego n'est pas dans l'esprit, mais l'ego, il va vibrer, OK, au monde invisible. Astralement, ça veut dire que comment il vibre astralement, c'est que il veut comprendre des choses, mais sans nécessairement savoir ce qu'il veut, parce qu'il n'y a pas la vibration pour savoir ce qu'il veut. Parce que s'il savait vraiment ce qu'il veut, il vibrerait dans son centre de gravité, puis il y aurait la réponse vibratoirement. Fait que là, il va chercher les réponses, puis les réponses qu'il va vouloir donner à ce qu'il va vouloir savoir, c'est des réponses qui vont le supporter dans sa sécurité. Par exemple, supposons je posais à moi une question sur les extraterrestres en lien avec mon expérience. Pourquoi je ne m'intéresse pas aux extraterrestres? Les plans de la lumière vont dire parce que ça ne vous intéresse pas. Mm-hmm. Puis je vais dire aux plans de la lumière, pourquoi est-ce que moi ça ne m'intéresse pas? Ils vont dire simplement parce que vous savez que ça n'a aucune utilité pour l'évolution de l'homme, les extraterrestres. Mais il y a des gens qui ne savent pas ça. Mm-hmm. Que l'évolution de l'homme ne passera jamais à savoir si les extraterrestres... C'est comme toutes les lois, OK? Qu'il y a en lien avec d'impression pour amener l'ego à se soumettre à l'astral au niveau des énergies. Par exemple, il y a des gens qui veulent croire à des choses, que les extraterrestres existent, parce que ça leur donne une sécurité au niveau psychique de dire « Ah, je savais qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Okay. » Mais un gars qui est moindrement conscient ou une femme qui est moindrement consciente, elle va dire tout simplement « Si j'étudie le phénomène extraterrestre, ça va être pour savoir quoi? Ça va être ultimement pour savoir qu'ils ne sont pas intelligents. » OK. Mais par contre, la personne pourrait revirer ça, au lieu d'étudier le phénomène de l'extraterrestre, va étudier le phénomène de la fascination. Ouais. Donc là, ça amène la personne ailleurs, déjà. OK. Parce que c'est orienté différemment. Supposons que quelqu'un est dans la fascination, il aime les lois d'énergie. Tu sais, il donne de l'importance, supposons, aux pierres, aux symboles, quoi que ce soit. Puis il pense, supposons qu'on prend le dollar américain, là, on voit que sur le dollar américain, il y a un triangle, puis il y a aussi un œil. OK? Puis là, il commence à s'intéresser à ça. Pourquoi que cette réalité-là existe? Puis là, il va dire, il peut tomber dans les lois de la conspiration, que c'est les francs-maçons qui sont derrière ça, c'est eux autres qui contrôlent l'argent. Puis finalement, que peut-être qu'il y a une race supérieure sur la Terre. Puis alors qu'en fait, OK, c'est tout un déguisement de l'astral pour séduire l'ego à des réalités. Est-ce qu'il y a des êtres sur la planète Terre qui se servent de l'astral pour avoir du pouvoir? La réponse est oui. Donc, un ego qui s'étudie, il va dire simplement, pourquoi je donne de la valeur, supposons, à ces formes-là, par exemple, l'ésotérique, supposons aux symboles. Pourquoi pour moi, les gargouilles qu'on met sur les églises, puis pourquoi qu'on faisait ça dans le temps pour éloigner, OK, les méchants esprits, tu sais? Okay. Fait que là, une personne s'intéresse à ça, elle se sort de son centre de gravité parce que tous les objets de fascination, OK, qui servent l'astral, c'est simplement pour sortir l'ego des études réelles qui éventuellement, devrait la rapprocher de son double ou de sa lumière. OK. J'aimerais aborder le point un peu d'utiliser l'autre comme une interface pour s'étudier soi-même. Comment que ça procède? Puis pourquoi il y a des gens qui sont pas capables de s'étudier eux-mêmes? Puis peut-être qu'en parlant aux autres, des fois, ça peut être plus facile parce que les gens peuvent le raisonner un peu ou l'amener à une autre réalité. Ou comment ouais. ça fonctionne lorsque... Ben c'est sûr que si une personne a la capacité d'aller voir quelqu'un d'autre puis d'étudier sa réalité avec une autre personne, la personne qui a un contact télépathique ou qui a un centre de gravité n'a pas nécessairement besoin d'avoir un contact télépathique. Supposons qu'elle n'a pas de contact. C'est deux personnes qui n'ont pas de contact, ni un ni l'autre, puis qui s'étudient. Supposons une personne arrive avec un événement, puis elle dit « Ah, cet événement-là, j'ai perdu ma job, puis je ne comprends pas ce que les plans de la lumière veulent faire. » L'autre personne qui a le moindrement, qui n'a pas nécessairement de contact, mais il ne faut pas croire. Elle pourrait dire, faut pas croire. Il ne faut pas non plus, faut savoir qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. OK? Donc, ils s'étudient en échangeant des informations. Ce sont les informations qui ont été vérifiées par le passé à travers le double ou à travers des enseignements de personnes qui ont un contact qui vont ressurgir le plus souvent quand l'étude est réelle. Tu es d'accord? Oui. Donc, quand, supposons, une personne se plaint, puis l'autre dit, « Ah, mais tu sais, Joanne, il n'y a pas d'hasard dans la vie. » Ou « Tu sais, Françoise, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Mm-hmm. » Si ton chum agit comme ça avec toi, s'il est méchant ou s'il ne te respecte pas, ça veut peut-être dire que toi, Françoise, tu dois prendre des décisions. Fait que l'étude que l'autre amène, la ramène à elle. Elle la ramène pas, « Ah, oh, ouais, Jacques est vraiment pas correct avec toi. Quel salopard. Tu devrais le quitter. Chris l'est là. » Mm-hmm. Donc, tu vois qu'une étude de même, ça donne rien. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'intelligence. Mais quand une personne qui a un contact, puis que l'autre personne amène une réalité, par exemple, elle dit, « OK, je vis quelque chose de difficile dans ma vie. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être? Comme, donne-moi un exemple. La rupture, le divorce. Le divorce. OK. Deux personnes, OK, que leur couple est terminé. Mais ils ne veulent pas qu'il soit terminé, donc il y en a une qui souffre plus que l'autre. Oui. Celle qui veut que le couple se termine souffre rarement. Mm-hmm. Elle va dire, ah, ça me fait du bien finalement, on ne sera pas ensemble. Mais celle qui n'est pas prête, là, supposons qu'elle est dans la conscience, elle pourrait tout simplement dire à son conjoint, pourquoi est-ce que je souffre tant que ça de notre couple qui se termine? Puis le gars qui si est moindrement dans la conscience, il va être capable de dire, OK, donc le temps de la rupture de notre couple n'est peut-être pas encore réalisé, il faut encore parler. Donc ça, c'est une étude que les deux peuvent faire. Okay. Mais supposons qu'une personne a une rupture de couple, puis ils ne sont pas dans la conscience, mais que cette personne-là, elle a cheminé un peu dans la conscience, puis là, elle va voir quelqu'un qui a un contact. Là, la personne qui a le contact pourrait dire tout simplement à la personne, « OK, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que ton couple ne doit plus exister? » Là, la personne pourrait dire, « Oui, mais je l'aime encore. » C'est pas ça la question. Qu'est-ce qui fait que ton couple doit être arrêté? Mm-hmm. Là, la lumière pourrait simplement dire, « Ah, oh, mais c'est parce que vous avez vécu ce que vous aviez à vivre ensemble, puis c'est à toi de vivre maintenant la perte pour travailler davantage sur toi. Mm-hmm. » Puis que finalement, ton conjoint, lui, son chemin doit aller ailleurs parce qu'il y a d'autres choses à travailler sur lui. Mais la personne n'est pas capable d'aller chercher cette réponse-là. Donc, elle peut utiliser le contact de l'autre, puis avoir ces réponses-là. Mm-hmm. Puis supposons qu'elle a ces réponses-là, l'autre personne, à la fin, va dire, « Crois pas ce que je te dis, vérifie-les si c'est ça. Va voir dans ta vie si ça fait du sens. » Parce mm-hmm. que si tu crois à ce que je te dis, tu vas peut-être arrêter ton couple, puis finalement, tu vivais une insécurité que tu n'es pas capable de traverser. Puis si tu traverses cette insécurité-là, ton conjoint, il subira plus cette insécurité-là, puis vous allez vous rapprocher. OK. Donc, si c'est pas vérifié, ça devient de la croyance. C'est ça. Donc, tu arrêtes l'étude automatiquement en croyant à ce qu'on l'autre va te dire. Oui, parce que là, après ça, c'est comme si je venais toujours te voir pour... parce que là, je crois en toi, fait que là, je vais toujours venir te voir pour que tu me dises c'est quoi les premiers problèmes, alors que si tu fais juste me dire les problèmes... Et je vais dire, ah, OK, je vais étudier ça, je vais regarder ça. Ça reste plus juste au niveau de la connaissance, mais c'est là que j'intègre à travers l'étude. Oui, parce que l'étude, quand quelqu'un étudie vraiment avec quelqu'un d'autre, elle ne lui propose jamais des vérités. Elle lui propose des pistes à éclairer ou à absorber ou à étudier. Donc, parce que ultimement, il n'y a personne dans l'étude qui peut dire, ben, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire. Ça. Parce qu'en faisant ça, c'est la personne qui va voir quelqu'un pour lui dire, qu'est-ce que je dois faire avec mon couple? Puis l'autre lui dit, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire. C'est plus de l'étude. Okay? Donc, c'est de la conviction, puis tu vends ta salade à l'autre. Ça se peut que ce que tu vends comme salade à l'autre, c'est des insécurités que toi-même tu vis. Puis là, tu dis, oh non, fais pas ça, romps pas avec ton couple parce que tu vas vivre plus de souffrance. Fait que c'est pas une étude, ça. C'est simplement. L'étude, c'est toujours d'amener l'autre le plus près de son double ou de sa lumière pour qu'elle ait probablement ses propres réponses. Mais des fois, la personne souffre tôt. Souffre trop et elle ne peut pas avoir ses réponses parce que son corps émotif vibre trop. Dans ce cas-là, une personne pourrait simplement dire, qu'est-ce qui vibre en toi pour la ramener plus près d'elle-même, pour essayer de voir, ben, je suis insécure, je me sens coupable de ne pas avoir bien agi ou je doute que je puisse poursuivre ma vie. Donc, la personne, elle s'étudie pareil si elle doit vider son bagage émotif. OK? C'est pas une étude très forte au niveau de la conscience, mais c'est une étude psychologique de son ego, de ses insécurités qui est nécessaire avant qu'elle puisse avoir les réponses. Fait que, quand on parle, mettons une personne vit un choc de vie, ses enfants meurent ou tout ça, puis là, la personne elle a besoin d'avoir des réponses. Mais là, les réponses, elles descendent pas, là. Elle essaie d'étudier. Est-ce que ce que tu dis, elle aurait besoin de se calmer, d'évacuer ses émotions, puis là, après ça, les réponses vont descendre ou de parler à une personne qui est neutre? C'est sûr que quand on vit un choc de vie, puis on est dans la conscience, la première chose qui doit descendre, c'est il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. OK. Si ça ne descend pas, ça veut dire que le corps est émotif, tu es chaud dans ta conscience, puis tu n'es pas capable d'étudier. Okay? Par exemple, si tu es capable de dire, je sais qu'il n'y a pas d'hasard, mais ça ne m'empêche pas de vivre, ah, ça veut dire que tu es dans le début de l'étude. Tu te permets au minimum de corriger un petit peu ton ego et de dire, OK, je sais qu'il n'y a pas d'hasard, mais j'ai de la misère à l'intégrer sur le fait qu'il n'y ait pas d'hasard. Mais tu vas, en tant qu'ego, tu vas être consciente que si dans 2 jours, tu n'es pas capable de regarder après pourquoi ça arrive dans ma vie, pas hasard, de savoir qu'il n'y a pas d'hasard, ça veut dire que tu ne l'as pas intégré. Parce qu'à un moment donné, tu peux te dire, ah, il n'y a pas d'hasard dans la vie, ça c'est arrivé. Mais si tu n'as pas la réponse de pourquoi c'est arrivé, ça veut dire que tu n'as pas intégré le fait qu'il n'y a pas d'hasard. Parce qu'il faut que tu sois capable d'intégrer la réponse. D'intégrer la réponse, ça veut dire que, OK, les plans sont derrière un événement. Ça veut peut-être dire que tu as besoin d'une troisième personne ou d'une deuxième personne. Peut-être la première qui va dire, ah, ben, je pense que c'est à cause que tu as vécu ça. Pour corriger ton ego que cet événement-là est arrivé. Puis là, t'es pas sûr, tu fais 2, 3 jours avec ça, mais eux autres, les plans de la lumière savent que, OK, tu étais suffisamment neutre, là, on va te la donner la réponse, on va t'envoyer une troisième personne qui va te dire quelque chose. Puis là, tu vas dire, ah, c'est ça que j'ai vécu. Ah oui. Je remarque aussi que les réponses viennent, mais souvent après, tu sais, comme si je vis un choc, puis là, j'existe d'avoir des réponses, puis là, ça marche pas, mais un an plus tard, là, être au café, penser à d'autres choses de complètement. Puis la réponse, là, elle me descend, là, tu sais. Ouais. Ça veut dire que quelque part, l'ego est pas assez désengagé, puis ça prend du temps avant que l'ego se désengage. Il y a des personnes qui pensent réellement que parce qu'ils s'étudient, ils vont avoir plus de réponses. C'est pas nécessairement vrai. Si tu t'étudies, ce que ça permet, c'est que tu ouvres la place aux réponses. Et éventuellement, comme tu dis, la réponse peut venir dans 2, 3 mois. Une personne qui, supposons, il arrive, avait un choc, puis elle dit, OK, ce choc-là, je reconnais que ça vient de m'ébranler. Mais si la personne, elle dit, ah oh non, il n'y a rien là, ça veut dire qu'elle ne peut pas s'étudier, elle n'est pas neutre, ça veut dire qu'elle n'aura pas des réponses. Mais une personne qui dit, OK, mon couple a pris fin, ma blonde m'a quitté, ça m'a débalancé, je suis un peu sous le choc vibratoire de la séparation. Là, la personne peut tout simplement dire, OK, pourquoi est-ce que je suis émotif par rapport à la séparation? Donc, c'est le début de l'étude. Ils vont lui dire, ben, vous êtes émotif parce que, à quelque part, vous pensez peut-être que vous n'avez pas bien agi, alors que dans le fond, le couple doit prendre une fin. Ça se peut que vous n'avez pas été correct dans l'action, mais les plans vont dire, qu'est-ce que ça va vous donner de vous culpabiliser? L'événement a été orchestré pour que vous soyez comme ça. Mm-hmm. Parce que le couple doit prendre fin. Ça veut peut-être dire que quelque part, faites la paix avec vous-même. OK? Mm-hmm. Vous tapez vos poings sur la tête parce que ça ne donnera pas plus de réponses par la suite. Donc, la personne qui dit, OK, bon, ben où est-ce que ça s'en va, ma vie, à présentement, que, étant donné que mon couple est terminé, ils vont simplement dire, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de regarder qu'est-ce qui vibre en vous dans les prochaines journées. Est-ce que l'insécurité d'être seul revient? Et si l'insécurité revient souvent, bien, essayez de régler ça en premier, mm-hmm. Au lieu d'essayer de vous trouver un autre couple. Oui. Puis, qu'est-ce qui fait que quand on fait une étude, si je pose, mettons, je vis un choc, puis je pose les questions avec une personne qui a le contact, qui est connectée, souvent cette personne-là va être capable de m'amener beaucoup plus loin dans l'étude, mais pourquoi moi je serais pas capable de le faire moi-même? T'sais? C'est l'autorité qu'une personne a avec les plans. Son contact télépathique lui permet d'avoir l'autorité. Donc, elle peut s'adresser plus facilement face aux plans. Elle peut même avoir accès, OK, à la lumière du double d'une personne pour utiliser l'information afin que la personne se rapproche de son double. Donc, un double, OK, connaît toutes les réponses de toutes les réalités, mais il y a des gens que leur double est trop loin. Fait que quelqu'un qui a un contact permet le rapprochement du double. Dans le rapprochement du double, quand la réponse va être donnée, il va y avoir davantage un courant d'énergie qui va descendre pour que la personne puisse reconnaître la réponse. C'est plus facile pour elle, alors que si, supposons, tu prends deux personnes qui n'ont pas de double, ils font rien que parler psychologiquement, ça se peut qu'ils aient la réponse parce que, finalement, ils doivent avoir une réponse intelligente pour continuer leur vie. Mais ils ne comprendront jamais le processus, OK, de se dépersonnaliser pour avoir des réponses. Puis plus tu donnes de l'importance à l'invisible, moins tu as de réponses. Plus tu donnes de valeur au contact, moins tu as de réponses. Parce que, dans le fond, c'est de l'autorité que tu dois avoir envers le contact. C'est de simplement dire, une personne qui a beaucoup d'autorité va dire, mon sacrement, t'es mieux de me donner réponse parce que moi, tu fais la guerre. Okay. Alors qu'une autre personne qui n'est pas dans la guerre ou dans la haine contre l'invisible va tout simplement dire, j'ai hâte d'avoir des réponses. Mm-hmm. Ben, tu vas attendre longtemps. Parce que les réponses qu'une personne peut avoir, c'est une question d'autorité. Ça veut dire qu'elle a arraché énormément d'identité. OK? Lumière à sa conscience, ça veut dire que le double s'est suffisamment rapproché de cette personne-là pour que le double ne puisse pas se taire et être dans le silence trop longtemps. Et plus une personne a de l'autorité, plus une personne a intégré sa conscience, plus le double, OK, est obligé de donner des réponses à sa vie. Parce que la personne peut aussi décider de le bypasser, le double, puis de parler à la lumière directement. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, c'est pas les doubles qui ont toutes les réponses, parce que les doubles n'ont pas toute la réponse à toute la programmation des univers parallèles en lien avec l'évolution systémique des plans. Donc, ça veut dire qu'en gros, l'universalité d'un double ne peut pas être plus grande que les plans de la lumière. Okay. Donc, ça peut très bien qu'un double n'ait pas des réponses. Donc, si tu demanderais un double des réalités sur l'extraterrestre, il va te dire rien que ce qu'il peut. Ouais. Parce qu'il y a plein des choses qu'il ne sait pas. Alors que les plans de la lumière vont te dire ce que tu dois savoir. Okay. Si tu dois savoir telle réalité, ben tu dois savoir telle réalité. Mais si tu n'as pas à savoir telle réalité, les plans de la lumière le savent, et ton double le sait aussi. Okay. Le double, il est capable de reconnaître quand ton ego est off, quand ta vibration n'est pas correcte. Ça veut dire que ton étude de toi-même est superficielle, est un peu sous les ordres de la fascination. OK, OK. Fait qu'il y a vraiment une distinction à faire là, entre le double et les plans de la lumière. Là. Ou la lumière elle-même. Oui, parce que dans l'étude du double, une personne va reconnaître que quand elle étudie son double, elle va reconnaître toujours la vibration de la réponse du double. Puis avec le temps, le son vibratoire qu'elle entend, elle va savoir que ça vient du double. Elle va le connaître, son double, parce que l'ego est tellement près du double qu'il le connaît. OK. OK. Puis pour en arriver à vraiment faire cette différence-là, c'est à travers l'étude. C'est une fois que tu t'étudies déjà beaucoup, beaucoup, bien là, tu es capable de reconnaître la vibration. Justement, pour reconnaître la vibration du double, il faut étudier beaucoup déjà d'avance, j'imagine. Ben oui, pour que le double se rapproche, comme on parle, là, Chloé, ça veut dire que tu n'as plus de passé. Ton passé, il n'y a aucune valeur dans ta vie réelle. Ça veut dire que toute ta vie se vit au présent ou dans le futur de ta conscience. Ça veut dire que Il n'y a rien que tu n'as pas étudié par rapport à ton passé pour mettre ta conscience à jour. Ça veut dire que ton centre de gravité, ou tous tes corps d'énergie, ils vibrent, OK, à la conscience systémique des plans parallèles en lien avec ton évolution. Toi, tu ne t'intéresses pas à l'évolution, mais tu ne t'intéresses certainement pas à ton passé. Ce qui t'intéresse, c'est de s'assurer que tu mets de l'ordre dans ta vie. Quand tu as mis de l'ordre dans ta vie, tu as automatiquement la paix dans ta tête. Puis la paix est permanente. Ça veut dire qu'aussitôt qu'il y a un événement qui perturbe ta paix, tu tournes vers le double. Mm-hmm. Parce que tu fais longtemps en tabarnak que tu sais qu'il n'y a pas d'hasard. Fait que tu tournes vers le double, puis tu lui dis, c'est qu'est-ce qui se passe? Puis dans la vibration de l'autorité de qu'est-ce qui se passe, le double est obligé de donner une réponse. Puis si lui, il n'en donne pas, ben tu montes en vibration, puis tu arraches. Puis là, il va dire, ah, oh, ben tu as telle réalité, tu dois vivre une contrainte par rapport à telle réalité. Puis dans la vibration, tu vas dire, OK, c'est vrai, j'ai donné une valeur à ça, puis OK, je comprends ce que vous dites. Mais supposons qu'il dit telle réalité, tu vis telle contrainte, puis tu dis, mon tabarnak, je sais que c'est pas sa réponse ici. Ça veut dire que tu sais que sa contrainte est là pour te tester. Il te dit ça pour te tester. Mais c'est voulu par le double aussi, parce qu'il faut que tu l'intègres totalement. Mm-hmm. Donc ça aussi, c'est une étude. Mais là, on est rendu au plus haut plan d'études. Donc, il y a trois plans d'études. Une personne s'étudie psychologiquement, une personne s'étudie psychiquement, puis une personne peut s'étudier vibratoirement. OK. Fait que quand la personne s'étudie vibratoirement, on peut dire, c'est quand qu'elle commence à contester son double. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Psychiquement, il faut qu'elle conteste son double. Ah, faut aussi. Qu'elle, okay. Elle commence à le contester dans sa psyché au niveau des réponses qu'il donne. Mais quand elle est rendue vibratoire, OK? Donc, quand elle est rendue vibratoire, c'est là que les plans de la lumière regardent si tu as de l'orgueil dans ton mental le plus. Ils veulent savoir si tu es vraiment corrigé en tant qu'ego. Si vraiment ton ego s'est corrigé, ça veut dire, y a-t-il encore de la spiritualité dans ton mental? Fait que là, quand tu t'étudies vibratoirement, toi, tu es rendu à la spiritualité. Ça veut dire, par exemple, tu donnes une valeur qui est très, très subtile, par exemple. Supposons que je dis, ah, ça c'est les besoins. Je rencontre une personne, puis elle me demande des réponses avec mon contact, puis là je lui dis ça, puis à la fin je dis, ah, c'est probablement ces réponses-là que tu avais besoin. Mm-hmm. Je viens de me faire jouer spirituellement. Je pense que mon contact m'a donné des réponses que tu avais besoin, alors que ça peut être totalement faux. Ces réponses-là peuvent être utilisées. Ça fait qu'une personne va dire, ça me dit ça dans ma tête, t'en fais ce que t'en veux. Ouais. Donc, c'est froid, c'est vibratoire. Mm-hmm. Puis la personne, OK, qui veut des réponses, une personne qui est moindrement vibratoire va savoir si c'est de la curiosité ou si c'est une transe psychique qu'elle vit et qu'elle a vraiment besoin d'une réponse à travers ton double, parce que ça fait partie des forces, OK, de l'amour dans l'homme, de la descente des énergies de l'amour pour permettre, non pas à l'homme, de s'inviter sur la vie des autres, mais pour pouvoir, s'il est en mesure, autant que les plans de la lumière, éclairer l'homme pour qu'il souffre moins. Les plans de la lumière, eux autres, ils t'éclairent pour que tu puisses passer à travers tes souffrances. Mm-hmm. Mais l'homme, quand il va éclairer ou il va donner des réponses à une autre personne, il va le faire psychiquement et vibratoirement pour tout simplement reconnaître, OK, que la vie évolutive des plans de la lumière qui était programmée dans la matière, OK, c'est une étude imparfaite des plans de la lumière. Ils ne peuvent pas connaître le produit final de l'homme, et c'est pour ça que c'est l'homme qui étudie vibratoirement ce que la lumière font et ce que l'homme peut faire. OK, comme Bernard de Montréal a déjà dit que l'âme, quand ils ont découvert qu'une âme ne pouvait pas se corriger, OK, les plans de la lumière ont reconnu automatiquement que Bernard de Montréal avait raison sur cette réalité-là. Mmh. Mais ils ont aussi ajouté davantage. Ils auraient pu dire, oui, on reconnaît que l'âme ne pouvait pas se corriger, mais que l'ego peut se corriger et que le principe de la souffrance est devenu pour eux le moyen le plus fort et le plus rapide pour corriger un ego. Mais dans le futur, quelqu'un qui étudie vibratoirement la vie au niveau de sa conscience, il va dire, est-ce que la souffrance va toujours être le moyen encore pour très longtemps, pour corriger les égos. Okay? Lui, il va dire, au niveau du plan expérimental, le prix payé est très, très grand au niveau des individus. Lui, dans son rayonnement d'amour, il va voir que les êtres qui sont dans la conscience souffrent énormément, mais ils souffrent inutilement parce qu'ils ne souffrent pas assez. Okay? Donc, lui, il va être capable de reconnaître que le principe de la souffrance va demeurer pour encore plusieurs années. Fait qu'il ne contestera pas les plans de la lumière dans son étude pour dire « Hey, la souffrance, là, ça va faire, là, l'homme souffre trop. » Les autres, ils vont dire « L'homme souffre juste comment il a besoin de souffrir. » Par contre, plus il y a de l'autorité, plus il va avoir de la voyance sur sa vie pour corriger. C'est comme ça, il y a un transfert d'énergie qui se fait. Son double se rapproche de lui, donc il y a plus de voyance pour corriger sa vie. OK. Fait que ça revient toujours un peu à une forme de souffrance quand il y a un sujet d'étude, parce qu'on disait au début que la personne s'étudie, commence à s'étudier au moment où que la personne souffre beaucoup. On en avait parlé tantôt. Mais tu sais, quand on disait tantôt aussi que quand que il y a pas de hasard dans la vie, on ouais. disait qu'il y a pas de hasard dans la vie, donc mais la personne s'étudie, fait qu'on peut dire aussi que la personne a pas le choix de s'étudier parce qu'il y a pas de hasard dans la vie, puis c'est cette souffrance là qui l'a amené à s'étudier, donc c'est ça, c'est comme si tu mets le point sur le à la bonne place, parce que c'est la souffrance, quand je disais tantôt que beaucoup d'ego souffrent inutilement. Mm-hmm. Ou psychologiquement, c'est parce qu'ils ne sont pas amenés à l'étude. Du moment que tu es amené à l'étude, ta souffrance, elle devient réelle. Mais avant ça, tu dois souffrir psychologiquement parce que tu dois encore gratter le bobo. Mm-hmm. Puis si ça saigne un petit peu, ça ne saigne pas encore assez. Il faut que ça saigne à 100 pour que là, tu fasses une étude sérieuse puis que tu passes à une autre étape vibratoire. Fait que je pourrais pas dire là, au monde autour de moi, là, hey, vous devrez vous étudier plus là, parce que je pourrais pas dire ça parce que ils ont besoin d'être rendus là pour commencer à s'étudier. Ils vont s'étudier quand ils vont avoir assez souffert et que ça va être le temps de s'étudier. En gros, là, quand tu as fait le tour du jardin par rapport à cette étude-là, comment évolue une personne ou évolue une conscience, c'est exactement ça. Un ego, ça peut pas évoluer si ça souffre pas psychiquement. Ça veut dire qu'il est confronté à un obstacle si grand que s'il connaît pas des réponses autre à sa vie pour comprendre que sa vie, OK, est pas simplement matérielle, mais qu'il passe au deuxième étage. Ça veut dire que s'il passe jamais au deuxième étage, il souffre simplement psychologiquement. Et il vit de l'âme. Donc, il tourne en rond. Donc, il y a des personnes qui vont vivre des grandes souffrances, des deuils. « Oh, mon couple m'a quitté » ou une personne, elle a 3 enfants, puis il meurt dans un accident d'automobile. Puis là, ça va être des grandes souffrances. Mais tant qu'elle ne souffre pas psychiquement par rapport au fait que c'est les plans de la lumière qui ont enlevé ses enfants, puis pourquoi qu'ils ont fait ça, qu'il n'y a pas d'hasard, elle va rester dans une souffrance psychologique. Donc, son étude, elle va servir simplement à préparer sa mort, s'assurer qu'elle ne vive pas de culpabilité dans sa mort. Mais ça ne donne pas grand-chose à une conscience pour se réincarner dans le futur. Okay? C'est rien que de l'expérience d'âme. Mais supposons qu'une personne vit ça, puis c'est ça qui l'amène à la conscience. Ça veut dire qu'elle va étudier sa vie en lien avec le fait que la perte de ses 3 enfants est liée nettement à la capacité des plans de la lumière de lui faire comprendre que la vie sur la Terre, c'est pas ta vie. Ça fait partie d'un plan d'expérimental, d'évolution, qui doit t'amener, toi, un jour, à accepter totalement que qu'est-ce qui arrive dans la matière, OK, tu n'y peux rien. C'est pas de ta faute, t'as pas de culpabiliser. Puis, en gros, c'est que si les plans de la lumière décident d'une réalité, c'est parce que eux autres, ils savent que si c'est pas dans cette vie ici que tu vas évoluer, ça va être dans la prochaine. Puis le choc va être suffisamment grand pour que tu te dises un peu, dire, bon, ben, un jour, j'aimerais comprendre pourquoi qu'on est capable de dire, il n'y a pas d'hasard dans la vie, mais je suis capable de le vivre tout le temps. Oui. Mais il y a des gens qui vont dire, ah, ben, il n'y a pas d'hasard dans la vie, mais ça devient une forme psychologique. Mais ils ne sont pas capables de le vivre tout le temps. Oui, c'est facile. Il faut que tu le vives tout le temps à un moment donné. C'est ça, moi je dis souvent, c'est facile de dire qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie quand tu croises ton ami au centre d'achat, puis là ça donne l'importance à la rencontre en disant ça, mais quand on souffre, là, c'est difficile. Le monde a tendance à l'oublier qu'il n'y a pas d'hasard, c'est ça qui ouais. arrive. Quand une personne souffre psychiquement, elle doit comprendre donc qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, que deux, il y a des réponses, il y a toujours des réponses, OK? Que si elle s'étudie, OK, si elle demande même, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie, puis j'ai tel contact, elle va être mise en présence, OK, peut-être que Chloé peut m'aider, ou peut-être que telle personne qui me connaît très bien pourrait peut-être m'éclairer. Bon, ben, Elle est obligée de se désengager en tant qu'ego, de ne pas avoir les réponses. Elle va devoir faire preuve de transparence, d'humilité, là, d'aller dire, là, je souffre énormément, puis j'aimerais à ça que tu puisses m'éclairer. OK, si tu peux. Mais l'autre qui reçoit ça, si elle est dans la spiritualité, elle va donner des réponses tout croche. Mais si elle est vraiment dans la froideur, dans la compréhension du fait qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, que cette personne-là vient te voir pour encore là, toi, dans ton étude, tu regardes, est-ce que ton ego, ah, oh, je suis content qu'elle vive ça, ça va lui faire du bien. Ça, c'est de la spiritualité, puis c'est de l'ego encore. Mais si tu dis, par exemple, elle vient te voir, puis elle dit, j'aimerais avoir ton contact. Qu'est-ce qu'il dit, ton contact? Puis là, la personne va dire, OK, je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent par rapport à toi. Puis, supposons qu'il y a certaines réponses que tu as, puis que tu penses qu'elle va peut-être le recevoir, elle va peut-être prendre ça personnel. Là, tu vas lui dire, oublie pas, là, c'est pas moi qui parle. Moi, je suis rien qu'un intermédiaire. Mm-hmm. Fait que je vais te donner les réponses que je peux, puis absorbe-les comme tu peux. Puis prends la réponse qui fait le plus ton affaire. Moi, ça se peut très bien qu'on me dise n'importe quoi pour que t'amener ailleurs. Mais c'est à toi de le savoir. Donc, dans l'étude, une personne ramène toujours l'autre à son centre de savoir. Si elle ne fait pas ça, c'est qu'elle se donne spirituellement un avantage sur l'autre. C'est l'autre qui doit avoir accès à ses réponses. Ça ne veut pas dire que quand tu éclaires une réponse, les réponses que tu vas donner, c'est des réponses réelles pour elle. C'est peut-être ces réponses-là qui vont l'amener à un autre, mm-hmm. qui va avoir la réponse, parce que l'ego n'est pas capable d'absorber tout de suite. Moi, je me rappelle d'avoir dit des certaines réalités à des individus, mais c'est peut-être dans 2 mois qu'ils l'ont intégré. Ouais. Mais il y avait besoin de l'entendre maintenant. Mais étant donné que tu ne lui donnes pas de valeur, puis là, tu vois que la personne a dit « je comprends pas ce que tu dis », ben tu dis « ça se peut que tu comprennes plus tard, ça se peut que finalement, ça n'a aucune valeur. Mm-hmm. » Tu sais, tu te protèges toujours de ne pas avoir d'autorité sur l'autre, parce que une personne qui fait une étude parfaite de la vie, là, je vais finir là-dessus, elle va toujours amener l'autre dans son centre de gravité. Puis, si elle fait une étude parfaite sur sa vie, elle va augmenter son centre de gravité par rapport au plan invisible pour les obliger à répondre à ces questions. Les obliger. C'est ça, la conscience, finalement. Non. La souffrance psychique d'un être en lien avec son évolution au niveau des plans de la lumière lui permet d'avoir l'autorité d'arracher les réponses. La souffrance psychique d'une personne qui a besoin de l'éclaircissement de certaines réponses à travers un autre souffre encore égoïquement. Puis son ego doit se corriger, se nettoyer, doit mettre de l'ordre dans sa vie pour arrêter de souffrir égoïquement ou psychologiquement. Mais une personne qui souffre psychiquement ou qui vit des souffrances psychiques en lien avec les plans universels, la descente de la lumière sur la terre à travers un être, est en obligation d'autorité face à eux autres. Okay. Donc, elle a toutes les réponses, puis on ne peut pas y compter de mensonges. Alors qu'une personne qui est en étude, qui commence dans son contact à avoir le double, elle va quand même subir, OK, l'impression que les réponses qu'elle a ne sont pas les plus grandes réponses. Et c'est normal parce que le double ne peut pas donner toutes les réponses vibratoires tant que l'ego n'est pas dans la vibration de l'étude. Il va toujours être psychiquement encore un peu en retrait. Voilà. Merci.